carnaval, pas musique tout belle. C'est plus belle festival, animation totale. Chaque année dans yon capital. Année ça c'est sûr, demande générale. Ensemble c'est les cabailles, peuple à yon local. Blanc à taillé, à sa d'apolé. Coupé à fleurir, c'est les grands diablés. Blanc à taillé, à sa d'apolé. Coupé à fleurir, c'est les grands diablés. Bonjour, bonjour, bonjour, mambo, sia, Bonjour Mambosia. Bonjour Mambosia. Bonjour Mambosia. Bonjour Mambosia. Bonjour Mambosia. Bonjour Mambosia. Bonjour Mambosia. Bonjour Mambosia. Bonjour Mambosia. Bonjour Mambosia. Bonjour Mambosia. Bonjour Mambosia. Bonjour Mambosia. C'est ça qui a la mode. Aïta tête grotte. C'est ça qui a la mode. Madame Minon tête Kogolo. Madame Minon tête Kogolo. Donc, parle cause avec eux, depuis 8 jours à l'avance. C'est pour petit jus papa. Côté tu fais papa, non, tu vas pour lâcher cadavre dans mon nom. Pour moi, mais puis, il y a quelque chose d'important. Donc, on n'a pas le fidèle dans mon nom. On va le fidèle. Ou bien, vous sautez la carrière avec un petit au 3-8e. Ou après, on poutre, on pète dans un nid. L'autre poutre, là, on va bailler dans la rue. Parce que dans mon nom, on ne peut pas regarder ça. C'est ouf là bas là, oui. C'est ouf là, oui. C'est ouf là. Ah, papa, allez où? Madame Minan, tête pour colo, ouais. Madame Minan, tête pour colo.